Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu vous expliquer comment on en est arrivé là, comment on a eu l'idée de cette soirée et pourquoi. Avant tout, on peut rappeler que les Gilets jaunes de Montreuil, ils existent depuis plus de 3 mois, bientôt 4 mois. Ça a commencé avec des assemblées différents endroits dans la ville, puis ça a continué avec un point fixe à Croix de Chaveau, qui s'est transformé en cabane, comme vous devez le savoir, qui a été un endroit de rencontre, qui a permis de commencer à développer tout un tas de choses, de solidarité, d'affinité et autres. Que ça a été aussi des départs en manif tous les samedis. Demain, on part à 9h. Il y a un départ à 9h, un départ à 10h et un départ pour la marche des solidarités plus tard vers midi et demi. Ça a été toutes ces choses-là et que ça continue encore sous plein de formes, avec entre autres encore la cabane qui continue, avec une manifestation aussi dans Montreuil, qui allait dans le Haut-Montreuil, qui a été à la rencontre des quartiers et aussi des foyers du Haut-Montreuil. Et c'est aussi le club qui a commencé il y a plus de 2 mois aussi, qui était une idée de... à côté de tous ces temps d'action, de manifestation, de rencontres, d'avoir aussi un moment de discussion de la situation, de discussion politique, à la base avec l'idée d'essayer de le faire notamment sous les formes de certaines formes d'éducation populaire. Donc il y a eu déjà des rencontres avec des historiens, Sophie Valnich, historienne de la Révolution française, Samuel Hayat, historien de la Révolution de 1848, Jacques Rancière, et voilà, du coup ça a été souvent élaboré avec des arpentages. Les arpentages, c'est c'est une forme de où on découpe un livre et on essaye d'en tirer chacun et chacune des choses en petits groupes, et du coup à côté de ça on était quelques-uns et quelques-unes à se dire que il fallait aussi un petit peu décentrer le regard de la France et de la situation française, et aussi aller voir dans les autres soulèvements, dans les autres moments de révolte, d'insurrection, d'organisation populaire aussi, qui peut avoir partout dans le monde. D'autant plus qu'actuellement, il y a évidemment ce qui se passe en Algérie, il y a aussi ce qui se passe encore au Soudan depuis 3 mois, qui sont des soulèvements contre des régimes injustes, contre des injustices sociales, et pour la dignité, la justice et ces choses-là. Et c'est pour ça que ce soir, on a voulu, dans un premier temps, inviter des Syriens et des Syriennes qui ont vécu la révolution de 2011 et ses suites sur place ou en exil, pour essayer de partager, d'essayer de voir avec eux, leur poser certaines questions, voir avec eux si on peut essayer de tirer des apprentissages des succès de ces révolutions et aussi de ces échecs, et voir comment on peut dialoguer entre nos situations, sans essayer de calquer évidemment les situations ou de les comparer. On sait bien que c'est très différent d'un pays à l'autre, notamment de la Syrie à la France, mais au moins essayer de voir les dynamiques qui peuvent se retrouver, que ce soit en termes d'auto-organisation, d'organisation populaire, mais aussi en termes de techniques de pouvoir et de tactiques contre-révolutionnaires ou qui essayent d'affaiblir les soulèvements, ou aussi de faiblesses internes et de difficultés internes que tous les soulèvements peuvent connaître. Voilà. Je passe la parole pour expliquer un peu comment on a monté ce processus-là. Bonsoir à tous. Donc, en fait, au niveau du processus, ce qui s'est passé, c'est que nos amis syriens sont venus sur le point fixe à Croix de Chaveau, sont venus à notre rencontre. Et du coup, très vite est venue l'idée de traiter le sujet de la révolution syrienne au sein des Gilets jaunes à Montreuil, dans un premier temps. Et du coup, on s'est réunis après pour trouver, on va dire, les questions les plus adaptées qu'on pourrait poser à nos amis syriens ici présents, par rapport aux questionnements qu'on peut avoir ici en tant que Français sur ce qui s'est passé là-bas. Et du coup, on s'est réunis une première fois pour trouver ces questions. On leur a soumis ces questions et ils en ont choisi quelques-unes. qu'on va découvrir ensemble après. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis une seconde fois où on a fait un arpentage d'un livre qui s'appelle Burning Countries. Donc, c'est un livre qui traite de la révolution syrienne. Et voilà, donc en gros, ça nous a permis à toutes les personnes qui étaient présentes de pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passait là-bas et pouvoir établir des parallèles avec ce qui se passe ici et voir si on peut trouver des solutions communes et faire évoluer un peu la chose. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et juste une petite précision, le drapeau que vous avez devant vous, initialement, c'est le drapeau syrien, mais avec l'étoile qu'il y a en plus, c'est le symbole de la révolution syrienne. Voilà, pour une petite précision. Bonne soirée à tous. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus et merci au Club Gilets Jaunes de Montreuil pour nous avoir invités. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le 8e anniversaire de la révolution syrienne. Du coup, on est très contents d'être là et je crois qu'on est encore plus contents de ne pas faire une espèce de commémoration de ce qui s'est passé, mais plutôt en fait, d'essayer de rentrer dans des détails, raconter des expériences ou nos propres expériences ou des expériences des potes, des connaissances et s'éloigner un peu aussi peut-être de l'analyse géopolitique parce que ça brouille toujours les pistes et ça aide, enfin je sais pas, ça nous a pas aidé énormément. Du coup, pour directement commencer, je vais juste lire la question que, enfin, on a essayé de mettre quelques questions qui nous semblaient un peu, enfin, qui vont un peu ensemble. Enfin, je vais les lire et il y aura Taha qui va commencer. Est-ce qu'il était possible de réussir à lutter côte à côte malgré vos différences? Comment avez-vous fait et pendant combien de temps? À quel moment et pourquoi, selon vous, sont apparues les divisions? Avez-vous réussi à conserver de l'unité entre vous après le début des divisions, entre amis, famille, etc.? Et à quel moment se sont formés les conseils locaux et comment vous avez coordonné entre groupes et entre villes? Bon, on ne va pas pouvoir répondre point par point, mais on va quand même essayer de à partir de ces questions, construire une petite réflexion. Taha va parler en arabe et Rana va te faire la traduction. Merci. Désolé, c'est un peu difficile pour parler français sur ce sujet. C'est pour ça que je vais parler en arabe. مع بداية الربيع العربي بتونس بعدين مصر وليبيا اليمن والبحرين. Avec le début du printemps arabe en Tunisie puis en Libye et Égypte et Yémen. كان في بالنسبة للشباب السوريين اللي مقربين من أحزاب سياسية أو اللي بيشتغلوا ضمن حراك سياسي قبل الثورة في سوريا. Pour des jeunes syriens qui étaient proches de certains partis politiques ou qui étaient adhérés à certains partis politiques. كان في نوع من انه قناعة انه لابد من انه توصل هاي الثورة لسوريا لانه كنا شايفين انه كل العوامل هي متوفرة لانه تصير الثورة ضمن سوريا. Il y avait une conviction que cette révolution va arriver, va aura lieu en Syrie. Et parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être déclencheurs. بدأ النشاط ضمن مجموعات مختلفة. الأغلبية ما بنعرف ما كان في معرفة مسبقة بين المجموعات. Le travail a commencé entre beaucoup de groupes de différentes bases en Syrie et ils se connaissaient pas. En général, ils se connaissaient pas. ببداية الأشهر الأولى كانت لقاءات تصير بمنازل من مناطق مختلفة ما كان نعرف أسماء بعض ما كنا نعرف انتماءات بعض كان في هدف هو إنه كيف نحن نحضر للمظاهرات ونطلع فيها هذا الكلام بالأشهر الأولى من الثورة السورية. Dans les premiers mois de la révolution syrienne, les rencontres étaient dans des maisons. Et même pour se rencontrer, pour s'organiser. Et le but, c'était d'organiser les manifestations. On ne sait même pas les noms et même les appartenances. فيما بعد بلشت تطلع فكرة المؤتمرات كانت البداية بشهر 6/2011 مع المؤتمر الأول بأنطاليا. Après s'est apparu l'idée des conférences et le premier c'était à Antalya. المرحلة c'était au mois de novembre, de juin, de juin 2011. ما كان في إجماع من الشارع السوري على هذا المؤتمر والأشخاص اللي موجودين فيه. Toute la rue syrienne n'était pas très d'accord pour cette conférence. Ils étaient pas d'accord les Syriens. فيما بعد حاولت مجموعة شباب إن تخلق شيء اللي هو كان طرح ما يسمى المجلس الانتقالي الأول. Après, il y avait un groupe qui a proposé l'idée de conseil intégralé dans ce cas de transition, un conseil de transition. L'هدف كان هو جمع أطياف المعارضة السورية. Le but c'était de regrouper toutes les parties opposantes. بالإضافة لتمثيل نسبة 60% من الشباب بالداخل السوري والخارج. Et représenter 60% des jeunes syriens à l'intérieur et à l'extérieur. كان في كمان يعني واجه هذا المحاولة برفض من قبل المجموعات اللي هي موجودة داخل سوريا نتيجة الخوف من النظام والقمع اللي كان عم يمارسه. Cet essai a été refusé par des groupes qui étaient à l'intérieur de la Syrie, vu à l'oppression du régime. وصولاً بعدين للمجلس الوطني اللي هو كان خليط من الأحزاب الإسلامية من بيناتهم الإخوان المسلمين وبين أحزاب تانية أو تكتلات تانية مثل حزب الشعب وإعلان دمشق أحزاب تانية موجودة كانت فطلع بالمجلس الوطني السوري. Après il y avait la formation du conseil national qui était qui regroupait des partis islamiques et d'autres aussi comme le parti de peuple et d'autres. المجلس الوطني هو أخذ نوعا ما تمثيل أكبر من المجالس اللي قبل بس رغم كل هذا هو ما عمل أو ما شكل مجلس هو بيمثل كل أطياف المعارضة السورية. Ce conseil a réussi à représenter une majorité mais c'était pas suffisant et c'était pas suffisant pour représenter toutes les parties. المشكلة كانت هي فيما بعد التدخلات الخارجية من الدول الإقليمية والعالمية بعمل هذا المجلس اللي خلى الناس إنه هي ترجع بعد فترة معينة هي ترفض عمل هذا المجلس نتيجة تبعيته أو مصالحه المتقاطعة مع مصالح دول تانية هي بالنسبة للشارع السوري وللسوريين ما كانت بتصب بصالح الثورة السورية. Le problème après, c'est qu'il y avait les interventions au niveau local et international, ce qui n'était pas pour l'intérêt du peuple et des différentes parties du peuple. C'est un peu résumé. فيما بعد صار في تشكيل اللي هو كان عبارة عن مجالس أو التنسيقيات لجان التنسيق المحلية اللي شكلها الشباب السوري بالمناطق. مع بعض الأحزاب اللي هي كانت موجودة سواء الأحزاب اليسار أو إسلاميين أو حتى أحزاب كردية كانت موجودة شكلوا شيء ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري. Après il y avait la formulation la constitution des coordonnées ce qu'on appelle des coordonnées ou des comités de coordination avec qui ont coopéré avec les partis de gauche. Les Kurdes et même aussi les partis islamiques pour construire ce qu'on appelle la coalition. Tilaf, c'est quelle? Oui, la coalition nationale. الائتلاف أخذ فعلياً اعتراف دولي واعتراف من جامعة الدول العربية كممثل للشعب السوري، ومحاولة القطع مع نظام بشار الأسد. Cette coalition a été reconnue internationalement, au niveau international, et par le par les comités arabes aussi des pays arabes. بالوقت نفسه خلال هاي الفترة كان بالنسبة للشارع بالداخل هو عم يشتغل على شيء تاني أو باتجاه تاني اللي هي موضوع التنسيقيات وموضوع المجالس المحلية. Au niveau intérieur, à l'intérieur de la Syrie, on travaillait plutôt dans, dans les coordinations locales et les conseils locaux. Les conseils locaux, pardon. التنسيقيات كانت هي عبارة عن مجموعات، بعض الأحيان هي بكون نتيجة معارف بمنطقة واحدة. Les coordinations étaient, étaient s'est constituée par des connaissances d'une même région. أو كانت التنسيقيات هي مثل تنسيقيات الطلاب اللي كانت بجامعة حلب، بجامعة حمص، بدمشق. Ou des coordinations des élèves, des étudiants, comme dans différentes villes, comme Damas, Alep ou Homs. هاي التنسيقيات هي اشتغلت نوعا ما على الداخل اكثر ما اشتغلت المؤتمرات والاحزاب المعارضه اللي هي كانت دائما همها انه هي كيف توصل او تخلق البديل لنظام الاسد، بس هي كانت نوعا ما بعيده عن الحراك بالشارع الحقيقي. يعني ces coordinations se sont concentrées plutôt sur l'intérieur et ne s'intéressaient moins à ce qui se passait à l'extérieur comme des conférences internationales et oui. بالنسبة على الجانب الثاني اللي هو الجانب الخدمي للناس، هي بدأت خروج المجالس المحلية ضمن أو مرت بثلاث مراحل، كانت بدايتها مع 2012 مع خروج النظام من بعض المناطق اللي كان مسيطر عليها ما قبل الثورة. Le travail des conseils locaux, c'était au niveau du service. Ça a commencé en fait en 2012, après la sortie ou le retrait de l'existence du régime. C'était au nord. Ouais. Dans certains endroits. Oui. Dans certains endroits. بالمرحلة الأولى كان المجلس هو عبارة عن مجموعة أشخاص بالقرى أو المدن اللي هن بيملكوا ثقة من قبل الشارع. Au début, c'était des, en fait, les conseils locaux, c'était des personnes de, qui avaient la confiance de la rue dans certains villages et des villes en Syrie. ما كان في انتخابات لتشكيل هاي المجالس بالمرحلة الأولى. La première période, il n'y avait pas des élections pour choisir ces personnes. Ou ma كان في تدخل من القوى العسكرية بهاي المرحلة. Il n'y avait aucune intervention militaire dans cette période. ونوعا ما كان الجيش الحر بهاي المناطق دوره إيجابي تجاه هاي المجالس. Et l'armée libre avait un rôle positif dans cette période auprès de ces conseils locaux. كان يحاول يسهل وصول قوافل المساعدات للمناطق. L'armée libre a essayé de faciliter l'arrivée ou bien oui l'arrivée des aides humanitaires à ces régions. وما شارك فعليا بتدخل بعمل هاي المجالس، يعني هي فعلا كانت مجالس محلية مدنية بعيدا عن العسكر. Et ces conseils, en fait, ils étaient indépendants. L'armée libre n'intervenait pas au travail de ces conseils locaux. المرحلة الثانية بدأت بنهاية 2013 مع بداية 2014. La deuxième période a commencé à la fin 2013, début 2014. كانت مع دخول الكتائب المسلحة المتطرفة الإسلامية للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام أو المحررة مثل ما نحن نستخدم المصطلح. C'était avec l'arrivée ou bien la naissance de groupes islamiques au sein de ces régions opposantes ou libérées, comme on dit en Syrie, on dit libérées, qui sont hors du régime. Mais aussi des groupes, enfin pas que islamiques, mais des groupes militarisés en général, islamiques y compris. بهاي الفترة تشكل شيء كمثال بحلب اسمه الهيئة الإسلامية، هو شكلته مجموعة كتائب مثل أحرار الشام، مثل هيئة تحرير الشام حاليا اللي هي كانت بهذاك الوقت جبهة النصرة. À Alep, on a vu la naissance de la communauté islamique qui est constituée de les livres de Cham ou bien du comité de la libération de Cham. كانت في محاولة لخلق بديل عن المجالس المحلية بس تكون تبعتها أو تبع إلى الكتائب الإسلامية لكسب الشارع السوري. L'idée c'était essayer d'avoir la confiance de la rue syrienne et de créer quelque chose d'alternatif à ces conseils locaux. Remplacer, exactement. المرحلة الثالثة هي كانت نهاية 2016 لحد المرحلة الحالية. La dernière phase, ça a commencé avec la fin de 2016 jusqu'à maintenant. بهذا الوقت صار في عملية انتخابات بكتير مناطق، كانت بدايتها بسراقب بريف إدلب. Là, il y avait les élections dans plusieurs régions. Surtout à Saraqib, au nord de la Syrie, à Idlib. الانتخابات كانت تصير لمدة سنة واحدة، بعدين يتغير المجلس بشكل كامل. Les élections étaient pour un an et après on voit un changement total pour tous les membres du conseil local. ضمن ثلاث مراحل اختلفت الأنماط ضمن المجالس المحلية. Dans ces trois phases, on voit vraiment des différences entre le travail des conseils locaux. بعض المناطق كانت تعتمد يعني قيادة المجلس المحلي على أشخاص هن مهندسين، محامين، أشخاص بيحملوا شهادات عليا. Ceux qui ont organisé le travail et qui ont été directeurs un peu du travail, ils étaient des ingénieurs, des avocats, donc des diplômés qui ont fait. بعض المجالس امتنع أصحاب الشهادات إنهم هن يكونوا ضمن المجلس خوفا من موضوع الأموال وإنه تطلع سمعة سيئة عن الأشخاص بتعاملهم ضمن المجلس. Dans certains conseils, les diplômés avaient peur de questions de l'argent et des aides et tout ça. Ils voulaient pas. Ils refusaient de prendre en charge quoi, enfin certains trucs parce que conflit d'intérêts, en gros, enfin pour peur d'avoir de mauvaise réputation pour conflit d'intérêts. من جانب تاني بالنسبة للمجالس المحلية ابتداء 2012 كان في حاجة نتيجة غياب النظام غياب المؤسسات لتوفير الاحتياجات الأولية من خبز من مياه من طرقات كل هاي الحاجات اللي هي بحاجة للاستمرار المناطق بالحياة. Et en 2012, en fait, le conseil locaux ont essayé de fournir les besoins de base, comme le pain, l'eau. للأسف القوى السياسية وخاصة الائتلاف وما نتج عنه من الحكومة المؤقتة كانت بعيدة عن المجالس المحلية. Malheureusement, la coalition et les autres forces politiques, ils étaient un peu loin de travail des conseils locaux. هذا سبب بأشياء ممكن تكون عمل سيء أو سلبي كان على المناطق. Ce qui a causé c'était un facteur négatif en fait pour ces régions là. صارت المانحين هي المجالس المحلية تقدم مشاريع خدمية إنه هي بحاجتها بس المانحين هن يقدموا شيء حسب ما هن بدهم. Les conseils locaux, en fait, maintenant il y a la période des donateurs qui sont là, et les conseils locaux avaient des besoins, et les donateurs, ils voulaient faire autre chose que les besoins des conseils locaux. فكان المانحين على فرض المنطقة كانت هي بحاجة لتحسين طرقات أو مياه، فهن كانوا يعملوا شيء له علاقة بالمجتمع بالأطفال حتى لو هن ما بحاجة يعني حتى لو المنطقة ما بحاجة هذا الشيء تحديداً. Par exemple, un conseil local qui avait des besoins de au niveau de l'eau ou bien d'amélioration des routes, les donateurs ils s'intéressaient aux enfants par exemple ou à l'enseignement. Alors qu'ils n'avaient pas forcément... Enfin, en fait, on demandait certains trucs, mais on nous donnait de l'argent pour d'autres projets, quoi. Enfin, sans avoir pris en considération les besoins, enfin, les réels besoins qu'il y avait sur place. هذا الشيء عمل تنافس بين المجالس بطريقة غير عادلة نتيجة إنه بعض المجالس كان علاقتها مع الممولين أكثر من مجالس تانية فكان يتقدم له أشياء أكثر من مجالس تانية. Ce qui a créé des concurrences injustes entre les conseillers locaux parce que il y a certains qui ont des liens avec les donateurs et d'autres qui ont des liens un peu plus faibles ou pas de liens. Donc c'était injuste. بالمرحلة الأخيرة صار في شيء إنه منظمات سورية انخلقت كمنظمات تابعة للمنظمة الأم صارت تدخل للمنظمات الدولية صارت تدخل لداخل سوريا وتعمل هي المشاريع بنفسها هذا الشيء أثر على عمل المجالس المحلية وخلى الناس تفقد ثقتهم بهي المجالس. Dans la dernière phase, il y avait des organisations, la présence des organisations internationales à travers des membres locaux, et ce qui a influencé le travail des conseils locaux. Ils ont perdu l'indépendance. Enfin, plus حاليا اهم نموذج هو موجود مستمر لحد الان هي معرض النعمان. En fait, les conseils locaux les plus importants étaient dans la banlieue de Damas où il y avait des plus de diplômés dans ces conseils locaux plus que dans le sud où, et après jusqu'à maintenant les conseils qui sont toujours là qui font leur travail c'est dans le nord c'est à معرض النعمان. المجلس المحلي بمعرة النعمان هو من البداية أعلن موقفه ولحد الآن ضد الأحزاب السياسية الإسلامية أو عفوا ضد الكتائب الإسلامية وضد جبهة النصرة بشكل مباشر. Le conseil de معرة النعمان il était jusqu'à maintenant il exprimait sa position contre les partis politiques surtout contre la Front Nusra. ولحد الآن حاولت النصرة مرتين أو ثلاث مرات إن هي تقتحم المجلس المحلي وتسيطر عليه ولحد هاي اللحظة مجلس معرة النعمان هو المجلس المدني فعلاً الأهم بمواجهة التيارات الإسلامية بإدلب. Et jusqu'à maintenant, les forces de Front Nusra, ils essayent d'attaquer les bureaux du conseil de Ma'arret al-Nu'man. Ils ne réussissent pas à le faire. Et ils insistent sur le côté, finalement, civil, totalement civil, et à refuser ces partis islamiques. بالإضافة لطبعا نموذجين كمان مهمين لهنن كفرنبل وسراقب. Il y a d'autres exemples aussi qui sont nécessaires, qui sont très intéressants, c'est Kaframbel et Saraqib. Shukran.